Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc vous venez d'écouter Manu, s'il te plaît. C'est Roudoudou avec Peace and Tranquility to Earth. Et voilà, il est 0h32, donc bienvenue sur Fun Radio. Vous pouvez nous appeler au 0870-5000 et 0803-08-5000. Et toujours sur l'IRC www.fr, il y a Rigo qui vous attend. Et Rigo, si tu pouvais nous dire à peu près combien qu'on est. Je suis là, bonsoir à tous. On a dépassé les 2000 déjà, ça va très vite ce soir. On est à 2543,1, c'est pas mal du tout. C'est beau ce que tu fais Gérard, c'est beau. Donc j'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière, que on s'échappe. On était la semaine dernière à combien Rigo à peu près? Je sais plus, mais on n'avait pas fait beaucoup la semaine dernière. Ouais, je crois qu'on était descendu à 3005. Ouais, mais ça va aller ce soir. Donc à un moment donné, t'avais. Ça va aller, Gérard. On espère. Ça va aller. Un fil d'art. Ça va aller, Gérard. Ça va aller. On fait le débat. On y va, Gérard, j'arrive. On y va. Bah ouais, mais. On y va. Ton premier débat portera sur quoi, Gérard? Sur l'argent. Alors, la première question, donc. Vas-y, pose la première question pour les auditeurs qui nous écoutent déjà. Alors, pour vous, l'argent fait-il votre bonheur? Donc, voilà. Et donc, on va accueillir. Merci, fil d'art. On va accueillir des gens, oui. Donc, on va accueillir Tony. Tony, bonsoir. Bonsoir GG, bonsoir Manu. Bonsoir Tony. Bonsoir Fildar. Salut. Bonsoir Tony. Salut Tony. Tu vois, il y a un problème Fildar. Ouais. C'est que Tony, faudrait que. Mettez qu'on passe toutes les semaines. Non mais j'ai des choses à dire, c'est pour ça. J'ai non mais attends, 103.3 déjà. Non mais 101... je me suis trompé parce que tu vois j'ai rayé là, c'est pas ça. Ouais c'est 101.9 hein. 101.9. Tony, tu commences pas, d'accord? Ok. La suite, Tabouret, bonjour. Alors, Tabouret. Salut Gérard. 19 ans de Dax, on peut écouter Fun Radio sur 95.3. Ouais, c'est ça. Donc, Sandwich, 23 ans de Tours. Bonjour, José. 102.8. Oui, c'est ça. Alors, tu me fais bouder, 19 ans de Ifto. Bonsoir Gérard. Tu me fais bander. Ouais, bander. Ouais, ben, non, mais tu vois, Fildar. Qu'est-ce là, que c'est? Non, attends, Fildar. Là, il y a. Oh, qui c'est qui a un portable? C'est Sandwich, mais elle a que ça. Ah non. Non, parce que les portables, c'est pitoyable. Tony, pour un cent, tu t'écrases. Non, mais elle a que ça parce que chez elle, elle a pas le télécom. Ah ouais, non, mais attends, moi dans ce cas-là, moi je fais pas des débats avec des portables. Y a que ça. C'était bien prévu, parce que regarde, là, déjà, ça commence. Bah, je vais essayer de la rappeler, on va voir si la ligne passe mieux, ok? Et puis tu la reprends dans deux minutes. Alors tu me fais. Bon, tu commences pas, toi, d'accord? Tu me fais bander. Oui, je suis là. Donc on peut écouter donc Ifto 96.9. Ah, tu me confirmes la fréquence ou pas? Oui. Ouais, bien sûr, parle à mon cul, ma tête est malade. Hein? Ouais, d'accord. On le savait, ça, Gérard. Non, mais attends. Déjà, Fildar, oui. Tu me la reprends, tu la réveilles un peu, parce qu'à 19 ans... Allez, Gérard, on y va, on enchaîne. Après, on a... Fildar, prochain coup, t'écris mieux. Oseille. Ouais, bonsoir, GG. Donc, 20 ans, Royan sur 99. Bon, salut, Oseille, ça roule? Ouais, ça roule. Et après, j'écarte... Quoi? Marais, j'écarte Marais. J'écarte Marais, Paris, 101.9. Bah si tu le dis, hein. Ça va. Et toi Gérard, mon petit Gérard, comment vas-tu? Non, mais attends, je suis pas ton petit Gérard, d'accord? Non, Gérard. Vous allez pas me casser les couilles maintenant. Je te promets. C'est mignon. Ok. Alors, première question. Donc, vous l'avez entendu. Pour vous, l'argent fait-il le bonheur? Ouais, oh. Qui c'est qui commence à dire, tu peux la répéter? Je ne vais pas répéter les questions 50 fois. Hein. Bon, d'accord. D'accord. Alors, allez, première question, on y va, on répond. Bouge ton doigt, mets ton doigt dans mon cul. Celui qui dit ça, ou celle qui dit ça, va commencer par la fermer, d'accord? Et puis vous allez arrêter de renifler comme des porcs. Gérard, si tu commences jamais, on fera jamais le débat. Ouais. Hein, donc pose la question. Alors, première question. Tony, tu la fermes, c'est pas toi qui commande. Non, mais Tony est en attente, donc il est pas là, donc vas-y, GG, attaque. Alors, première question. Pour vous, l'argent fait-il le bonheur? On va demander à Tony. S'il est là. Je suis plus en attente, là. Non. Ah, c'est dommage. Non, t'as alors. Pourquoi c'est dommage? Non, parce que j'avais dit des choses marrantes, mais c'est pas grave. Bon, alors tu dégages. Ouais, retourne voir Pilder. Non, mais attends, j'ai rien dit. Il a rien dit là, Gérard. Je réponds à la question. Y'a pas de soucis, hein. Je réponds à la question. Parce que là, tu as pas commencé. Parce que tu passes toutes les semaines dans les débats. J'ai des choses à dire. Non, mais tu passes toutes les semaines dans les débats. Gérard, c'est moi qui commande. Bon, pour répondre à la question, moi, j'ai pas trop d'argent. Eh oh, toi, déjà. Hop. Ah, j'en veux pas. Pas de problème. Ok. Pas de soucis. Allô. Ça va pas faire comme la semaine dernière. Je peux répondre? Attends. Eh oh. Bah, c'est pareil. D'accord? Parce que là, ce soir, vous allez pas me casser les couilles. Parce que sinon, je fais qu'un débat et je me casse. Ah non. Ok? Ouais, d'accord, on y va. Non, mais calme-toi. Bon, alors, Tony, pour l'instant, tu réponds à la question. Ça fait toutes les semaines que tu passes. Ouais, mais arrête de m'agresser comme ça, moi, je veux... Non, mais attends, la semaine dernière, t'es passé. Alors, viens, mais ras-le-bol. Mais non, mais s'il dit rien de méchant... Bah ouais. Non, mais même. Moi, j'ai pas... Même, hé, hey, il y a 24 lignes qui sonnent, donc faut prendre sur les 24 lignes. Je les ai fait sonner, les 24 lignes, moi. Non, tu les as fait sonner mon cul. Bon, alors, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis... Voilà, hop, je les appelle. Hop. Alors, tabouret. Ouais, moi, je pense que l'argent... Et là, attends, le tabouret. Ouais. Maintenant, Fildar, tu me prends quelqu'un d'autre. Ok. D'accord. Ok. Non, mais... Et là, ça commence à bien faire. Alors... Oh bah dis donc Gérard, calme-toi. Bon Gérard, là on va pas avancer quoi si tu commences comme ça, sans déconner. Non, mais sans déconner, moi je vais te dire une chose. Déconner. Bon, ça y est. Gérard, ça fait 8 minutes qu'on attend le débat, ça commence. Allez. Alors tabouret. Ouais, bah moi je pense que l'argent fait le bonheur de ceux qu'on a et le malheur de ceux qu'on a pas. Tu peux expliquer? Bah comme disait Coluche quoi, l'argent fait pas le bonheur des pauvres. D'accord. Sandwich. Bah écoute, moi je crois que l'argent c'est pas vraiment le bonheur parce que c'est pas parce que t'as du fric que tu vas être heureux quoi. Je veux dire, si t'as des problèmes de santé ou même si t'as pas d'amis, je veux dire, tu fais chier quoi. Ah, voilà. Voilà ce que... Oh, qui c'est qui a un portable là? C'est moi, c'est moi. Bah, c'est Sandwich. Je l'ai rappelé, désolé. Mais c'est toujours pareil, je suis désolé. Bon. Là, je peux vraiment pas faire mieux. D'accord. Tu me fais bander là. Ouais. Enfin, moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux dire, moi je suis heureuse dans ma vie. Et puis de toute façon, quand on est trop riche, on a plein d'hypocrites autour de nous. Mm-hmm. Voilà. Oseille. Ouais, bah c'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, ça m'a fait mon malheur parce que j'ai fait un gros héritage. Et puis que j'ai plein de thunes, et ben tout le monde arrête pas d'essayer de me taper, quoi, c'est à ma famille, mes amis. Et voilà. La nuit. Ouais, y a pas que moi. Hein. Ouais, bah ouais. Bah ouais, hein. Non, j'ai la carte Rigaud, oui. Ouais, il y a une question sur IRC, c'est Oxide qui te demande s'il faut beaucoup d'argent pour être pauvre. Ça, je vais répondre. Oh! Tu sais qui veut répondre à ma place, là? Toi. Non, mais il faudra peut-être... Hey. Ton cerveau. Attends, mon cerveau, tu sais ce qu'il te dit, toi? Pas grand-chose. Il me dit... Oh, hey, Fildar. Fildar, on commence pas la première question avec des gens pourris, hein. Bah non, mais c'est des gens que j'ai pris sur les 24 lignes, j'essaie d'en trouver d'autres, Gérard. Ouais. Alors, Tony, pour l'instant, tu t'écrases. Mais il est pas là, Tony, Gérard. Il est pas le virer, alors, j'ai carte... Marais. J'ai carte Marais. Si tu dis, mais moi, en fait, moi, j'ai eu le même problème que, je crois que c'est Oseille. Je suis fils de milliardaire. Ouais. Je n'aimerais pas la marque. Et y a plein de gens autour de moi qui essaient de me taxer mon pognon et c'est l'horreur. Bon, alors... d'accord. T'as pas 10 balles? Je peux te faire un million. Par contre, qui c'est qui a ce sandwich, je pense, qui avait posé qui avait répondu à la question? Oui. C'est quand t'as des amis, quand t'as de l'argent, t'as des amis. Quand t'as pas d'argent, t'as plus d'amis, c'est ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que t'as du fric que tu vas forcément avoir de bons amis, hein. Attendez. J'étais un peu d'accord. Les gens qui veulent profiter, qui avait répondu comme quoi on avait des hypocrites, mais je suis un peu d'accord avec elle, c'est vrai. Hein. Bon, alors moi, il y a rien que pour ton fric, quoi. Mmh. Non, mais moi, de toute manière, il y a une question que. Oh, mais c'est quoi le son là? Ouais. Bah écoute, le son, il est comme il est, hein. Il faut s'en accommoder et puis y aller, quoi. Non, non, non, non, non, non, non. Gérard. Oui, à propos d'argent, il y a Yankee sur IRC qui te demande combien t'as payé pour animer les débats. Alors ça regarde personne et c'est tout. Donc sa question elle tient pas debout. Donc je vais répondre à peu près à la question. Vas-y. Donc alors pour vous l'argent peut-il le bonheur? De toute manière je vais reprendre la question à Sandwich. Mm-hmm. Vas-y. Moi je peux dire une chose, c'est quand t'as des amis, tu as de l'argent, et quand t'as pas d'argent, tu n'as plus personne. Donc tu te démerdes toi-même. Mmh. Hein? Donc ça veut dire. Bon, allez, vous arrêtez là parce que vous commencez à me casser les couilles. Tout à fait. Non mais il t'écoute, vas-y Gérard, continue. Ouais, continue attends. Ce que tu voulais dire. Non, ça veut dire quoi là, ces auditeurs? C'est qui les a choisis? Mais j'en sais rien, moi, continue. Donc c'est pas la peine d'essayer de vouloir me contredire. Donc là-dessus, quand t'as de l'argent, t'auras toujours quelqu'un qui t'aidera. Ta gueule, toi! Bon, alors, vous me faites chier, je réponds pas à la question. Mais vas-y! Non, pour l'instant, vous déconnez! Vous n'avez pas commencé comme ça, tous les deux! Parce que sinon, je vous balance! Ok? Mais arrête de gueuler, on n'a rien fait, c'est toi qui crie tout seul, là! Pour l'instant, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, je fais rien, j'ai coupé les auditeurs pour qu'ils répondent à la question, arrête de gueuler! C'est bon, il faut les couper! Ils sont coupés! Non, mais quand ils sont. Non, tu es! Donne-moi moins ça, parce que sinon, il est minuit et demi, on tiendra pas! Par exemple, Manu, tu attends, ils sont coupés, tu réponds pas à la question, Gérard, j'y peux rien, Manu! Il y a le patron, mais crie pas, il n'y a pas besoin de crier pour parler! Punaise, mais. Hé, Manu, toi, je crois que ça va être pareil, hein! Allez, vas-y! Donc, alors, je vais répondre à Sandwich. Vas-y, Gérard! Non, mais attends, tu permets? Bah, vas-y! Bah, ça fait qu'un quart d'heure qu'on a démarré, d'accord? Mais pour l'instant, ça fait un quart d'heure que tu me fais de la merde! Bah, un quart d'heure que t'avances pas aussi, alors. Ouais, mais ça fait un quart d'heure que t'es en train de me faire de la merde! Gérard, tu peux parler du débat et arrêter de parler de l'équipe? Ouais, mais attends, pourquoi? Non, mais là, tu continues, parle du débat, on fait le débat. Non, mais attends, Rigo, pour l'instant, il y a que toi qui fais du bon boulot, les deux autres, là, pour l'instant, ils nous font de la merde. Ok? Alors, c'est clair et net. Ou on travaille en équipe, on fait du bon boulot, ouais. Ou on travaille pas. Non, mais un patron, il s'énerve pas, il gueule pas. Il n'y a pas besoin de gueuler. Hein? D'accord, Manu? Ça y est. D'accord, Pildar? Ah, moi, je suis OK. Hein. D'accord, Gérard? Bon, alors maintenant, il n'y a que Rigo qui va faire du bon boulot. Comme d'hab. D'accord, ok. Vous faites de la merde, les mecs. Nous, on fait rien. Ouais, pour l'instant, vous me faites de la merde. Oui, bon, on y va. Quand tu fais ton débat, parle pas de ce qui se passe ici, passe plutôt aux auditeurs, à ceux qui écoutent la radio. Alors, avez-vous de l'argent, avez-vous de l'argent de poche par vos parents? On va demander à Tabouret. Ouais, non, moi je travaille, donc mes parents me donnent pas d'argent. Je suis bien toute seule à mes besoins. Ouais, mais. D'accord. Ouais, mais quand j'étais petite, ouais, ils m'en donnaient un peu, ouais. Ah, voilà. Je piquais dans le porte-monnaie de ma mère. C'est qui celui-là qui dit tout à fait? Bah, c'est vrai. Quand elle était gamine, elle tout à fait, elle lui donnait. Non, mais attends. Mmh. C'est qui là? C'est qui qu'on récupère? Non, c'est. Attends, que je retrouve. Apparemment, tiens, je t'ai récupéré un truc spécial. Oui, c'est Tony Déguisé. Spécial sur les. Sur l'internet avec. J'ai récupéré une adresse. Mm-hmm. Et là, il y a. Là, t'as des questions. Il y a des trucs qui ont été faits. C'est sur le. C'est pour l'euro. Il y a un 36. Un www.euro. C'est des questions qui posent sur l'argent sur des jeunes étudiants. Bah, c'est marqué où www. Non, pas marqué là, mais c'est là où ça a été pris. Je vais récupérer ça sur le site de l'euro. D'accord. Sandwich. Sandwich. Oui, je suis là, Gérard. Hein. Bon, tu réponds à la question ou pas? Bah écoute, tu m'as coupé dans mon élan, j'étais en train de parler, je t'explique quand même. Hein. Alors, j'étais en train de te dire que j'étais plus chez moi et que, bon, bah je travaille, mais étant petite, moi aussi j'avais un peu d'argent de poche, mais c'est pas la grosse fortune, quoi, quand même. Hein. Mm-hmm. Voilà. Tu me fais bander? Ben non, mes parents ne donnent pas d'argent tous les mois, mais quand je leur demande, ils me le donnent facilement. Ouais. Oseille? Ouais, alors, tu m'entends? Ouais. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait un héritage, donc en fait, je suis... Bon, alors, Oseille, ton héritage, on n'en a rien à foutre, attends, ok? Alors, tu vas voir... Non, tu vas voir Pildar au standard. Attends, il répond à la question, et toi, tu t'énerves. On n'a pas le droit d'être riche dans le débat? Alors, ouais, c'est vrai. Non mais attends, on parle pas d'héritage. Je demande, avez-vous de l'argent de poche par vos parents? Eh ben il a eu un héritage. Mais attends, pourquoi? Parce que t'as eu un héritage, toi? Bah ouais. Et alors? Dans ce cas-là, j'en veux pas de ça. Et maintenant, attends, je t'explique. Maintenant, c'est moi qui donne de l'argent de poche à mes parents pour qu'ils sortent. Bah oui, c'est ça. Allez, bonne nuit. C'est sympa. Allez, dehors. Ça y est, je l'ai viré, Gérard. Non, mais là, tu vas pas commencer, toi. Non, bah, je vais lui repiquer ses thunes et puis il aura pu des réponses. Non, mais tu te démerdes. D'accord. Et là, vous me faites du bon boulot parce que pour l'instant, vous commencez à me. Allez, comment? Non, elle dit, continue la question. Non, elle dit abrège. Ouais, bah, c'est non, un peu à ça. Liège, à Liège, en Belgique, je crois qu'elle est belge. Ouais, ouais, c'est ça, t'as raison, tu l'as, Manu. Ouais, fous-toi bien de ma gueule. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, le métro, deux secondes. J'ai les cartes marées. Non, j'ai carte marée. J'ai carte marée, Gérard. J'ai carte marée, vas-y. Ben en fait, moi, je t'ai dit, je suis fils d'Axel de milliardaire. Et moi, en fait, je cite pas de marque. J'envoie mes domestiques travailler à ma place au McDo pour qu'ils me gagnent de l'argent de poche. Putain, mais vous savez. Vous savez ce que c'est, un débat? Moi, je te réponds à la question que tu poses. Une non, mais moi, je te demande, est-ce que tu sais ce que c'est un débat? Oui, un débat, on pose une question, les gens répondent. Ouais, et ben pour l'instant, t'es à moitié dehors. J'ai pas besoin d'argent de poche de mes parents, puisque j'envoie mes domestiques travailler. D'accord, allez-y, faites des larcènes. Moi, là, je dis l'équipe, ça va pas. Comment? L'équipe, elle va pas, là. Hein. Ouais, ben pour l'instant, c'est vous qui allez pas. J'ai répondu à la question. Tabouret, je pense qu'elle a répondu. Donc à la place de Tony, on accueille J'ai pas une thune. Ouais, ouais, mais attends, Fildar. Oui. Non, Fildar. Mais pourquoi Fildar, non. Non, je te dis. Il t'a dit non. Tu vois, parce que là, pour l'instant, tu l'as pas viré, tu l'as fait prendre sur un autre nom. Pas du tout, bonsoir. Tu as mon cul, Tony. Alors, c'est pas la peine. Mais non, mais c'est... Non, moi, je... Écoute, je travaille pas comme ça. Bon, alors, on reprend tabouret, sandwich. Non, mais tu vas sur les 24. Ouais, bah oui, sur les 24. Je monte sur les 24. Ouais, bah, tu te dépêches. Parce que pour l'instant, je crois qu'avec Manu, j'ai dit, on fait du bon travail ce soir. Oui, mais là, Gérard, c'est toi qui avance pas, quoi. Il l'a viré maintenant, Tony, alors on y va. Ouais, quoi. Mais attends, pour l'instant, il reprend sous un autre nom. Non, Gérard. Moi, je suis pas d'accord. Gérard, il y a plein de questions sur l'IRC, donc ouais. Je vais en lire une vite fait. Il y a Kenneda qui te demande combien tu donnes d'argent de poche à Sandy pour qu'elle reste avec toi. Alors, à Sandy, ça regarde personne, donc c'est mon problème personnel, donc... C'est un problème quand même, alors. Non, mais ça regarde personne. Ouais, mais c'est toi-même qui dis c'est un problème. Ça regarde pas les auditeurs, donc sa question, j'y réponds pas. Après, Rigo, d'autres questions, non? Si, peut-on acheter de l'intelligence avec son argent de poche, demande Blooder. De l'intelligence, je pense pas, non. Non. Non, après. Non, et je sais plus qui c'est qui me demandait combien d'argent t'avais pris dans la poche de Christine. De Christine, alors ça, tu vois, le mec, celui qui parle de Christine, il va... Non, ouais, ben, bien sûr... Donc, si c'est pour entendre des conneries comme ça, c'est pas la peine. Donc, alors, je peux vous dire une chose. Avez-vous de l'argent de poche par vos parents? Donc, ça dépend des parents, parce qu'il y a des parents qui peuvent vous donner jusqu'à 50 francs. D'autres qui vous donnent rien du tout. Donc, là-dessus, c'est des parents qui sont pas très riches. Ben, moi, parce qu'ils veulent pas. Ouais. C'est qu'ils veulent pas, toi. Non, mais il y a des parents qui veulent pas donner d'argent de poche à leurs enfants. Ouais, mais ça, c'est. Est-ce qu'ils préfèrent qu'ils le gagnent par eux-mêmes en faisant des petits boulots? Ouais, mais ça, de toute manière, si les parents n'aident pas leur enfant pour trouver quelque chose, je pense que ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire? Donc, pour que les jeunes aillent de l'argent. Faut quand même que les parents soient derrière pour les aider. Ouais, mais tu vois. Parce que si on n'a pas c'est peut-être de les aider qui les pousse à trouver un petit boulot. Ouais, mais si on n'a pas de parents. Ouais. Donc, tu peux pas avoir d'argent pour les aider. Tu comprends Ouais, je comprends, je t'écoute. Toi aussi Ouais. Donc, si tu as des parents qui veulent te donner de l'argent, ils seront là. Moi, je comprends pas, j'ai pas su. Ben si, ben attends. Si t'as pas de parents, ils peuvent pas te donner d'argent de poche. Ah ouais. Voilà. Donc ils peuvent pas t'aider. T'es obligé de le voler. Pareil, non. Quoi, dans la poche de ton ex ? Non, il y a pas de volet. C'est que là, tu fais carrément la manche. C'est des stores. Ah, non, voilà. Non, t'es pas obligé de faire la manche quand t'es gamin et que t'as pas de parents pour avoir de l'argent. Attends, si. Tu fais des petits boulots. Mais oui. Non. Tu livres du lait, tu t'achètes des journaux. Non. T'en as qui font la manche. Je veux pas dire. Ouais, mais on parle de l'argent de poche. On parle pas des SDF. Les SDF, ils veulent pas de l'argent de poche quand ils sont dans la rue. Ils veulent de l'argent pour manger, nuance. Bon, Rigo, tu voulais rajouter quelque chose avant? Ouais, je voulais te demander comment on fait si on a des parents, mais qui sont pauvres et qui peuvent pas te donner d'argent de poche. Le problème, c'est que tu reviens à la Manche. Ah, tu vas faire la Manche, finalement. Bah oui. Ah, t'as pas assez de thunes pour aller en Méditerranée, donc t'es baisé, quoi. Voilà. Alors, troisième question. Ouais. Vas-y. Je refais une liste, hein, Gérard. T'inquiète pas, ça arrive. Donc, on a toujours tabouret, sandwich. Tu me fais bander. À la place de Oseille, il y a parapluie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et on a toujours Gécarte Marais. Voilà. Ouais. Toujours là. Ouais, salut. En espérant que. T'en es sûr de ce que tu me racontes, Filda? C'est-à-dire? T'en es vraiment sûr des noms, là? Bah oui. Ouais, mais je pense que. Pour l'instant. Manu. Mmh. Après, Gérard, est-ce que tu peux te dépêcher? Non, mais si t'as envie d'aller pisser. Non, mais dépêche-toi un petit peu parce que quand même, il est 1h et si on continue comme ça, on va pas y arriver. Hein. Attends, si t'es pas contente. Et si vous êtes pas content dans ces cas-là. Je suis très content, mais bon, tu fais du boulot. Bon, alors, si t'es. Alors, voilà. Toi, c'est qui toi? T'es qui toi qui vient de dire ça? C'est un bon auditeur. Ouais. Qui tient, regarde, t'as la liste. Voilà. C'est la police un peu, GG, ça va plus là. Non, mais de toute manière, ça va être Fildar. Maintenant, Fildar. Non, c'est pas Fildar, arrête avec Fildar. Ok, vous vous calmez derrière, s'il vous plaît, c'est moi qui commande le jeudi. Bon, la question suivante. Gérard, j'ai une bonne question là sur IRC. Voilà. Il y a Turpentine qui te demande comment on fait pour avoir de l'argent de poche quand on n'a pas de poche. Ah, tu poches dans le sac. Comment? Tu poches dans le sac. Je sais, ça, tu pioches dans le sac. Non, tu peux acheter un sac. Ouais, ben, le mieux c'est de voler dans un sac à main. Et c'est pas tellement recommandé. Oui, non, faut pas le faire même, ouais. Quoi, tu dis aux gens de voler dans un sac à main, hein? Non, même je le déconseille. Je le déconseille complètement. Et alors donc, troisième question. Est-ce que vous travaillez pour avoir de l'argent? On va demander à Tabouret. Ouais, moi je travaille. Et je gagne de l'argent. Mmh. Sans indiscrétion, tu fais quoi comme travail? Bah, je trouve ça indiscret, donc je te réponds pas. D'accord. Alors, dans ces cas-là... Non, j'ai pas envie de te dire ce que je fais. Je trouve ça indiscret, parce que bon, c'est pas quelque chose dont on parle à la radio si facilement. Bon, attends, ouais, non, dans ces cas-là, quand Max vous demande ce que vous faites comme boulot, vous lui répondez. Ah, et quand c'est moi, vous me répondez non. Alors, c'est bon, tabouret. C'est bon, sandwich. Pas non plus, mais... Sandwich. Tu vois comment faire. Je suis là. Oui, moi je travaille, oui. Et sans indiscrétion, tu fais quoi? Moi, je suis secrétaire dans une entreprise. Voilà. Tu me fais bander? Ben, je travaille pas, mais voilà. Et tu cherches quelque chose? Non, pas pour l'instant, d'abord. Non, mais pour l'instant, tu t'en fous, tu te dis, je touche plus par le chômage, c'est pas la peine que je travaille. T'es étudiante, à mon avis? Oui. 19 ans, ouais. Ok. Gérard? Oui. Sur IRC, il y a Philippe Détoubifri, le vrai, qui te demande combien tu serais prêt à payer pour virer Fildar. Bonne question. Ça, j'attends toujours. Apparemment, on devait nous trouver d'autres personnes pour remplacer Fildar. Parce que, non, mais c'est pas le débat. C'est pas ça la question. La question, c'est ça. Combien tu payerais pour le virer? Oh, bah, moi, je paye pas. C'est pas à moi de le payer. C'est à la direction. Hein. Ok. Donc, j'ai carte marée là, bah oui, je sais pas quoi. Allô, oui, je suis. J'ai pas besoin de travailler parce que je suis milliardaire en fait et je vis de l'argent que je place en bourse et je comprends vraiment pas que les pauvres travaillent parce que c'est si facile de Non mais attends, tu te fous de ma gueule, à 19h, t'es à 19 ans. À 19h, t'es milliardaire. Ah oui, parce que je suis le fils d'Axel, je suis un fils de milliardaire. Ouais, bah alors, pour l'instant, tu vas fermer ta gueule. D'accord. Tu vas fermer ta gueule parce que pour l'instant, t'es en train de me dire des conneries. D'accord. Comment ? C'est quand même le fils du boss, hein. Ça peut aller loin, Gérard, fais gaffe. Ouais, non, mais attends. Ouais, attends. Mais attends. Mon papa, il dit, si tu veux. Comment ? Mon papa, il dit, si tu veux. Ouais. Ouais, t'as raison. Attends, ma mère, tu sais ce qu'elle est ? C'est ta mère, c'est une pute. Oh là. La tienne, elle t'emmerde, espèce de salope. Allez, vous me faites chier. Ça, c'est des filles, ça. Hop, terminé. Je vous répondrai pas. Oh, mais si, Gérard. Non. Castez-vous le plus souvent avec votre argent. Hop. Avant la question, Gérard, il y a une autre question de l'IRC de Chocobo Gold qui te demande combien il doit payer pour avoir l'honneur ou l'horreur de te rencontrer. 0 francs. Et Fildar. Oui. Fildar, maintenant oui, tu vas prendre 24 lignes. Et tu vas te manier le cul parce que là, tu commences à me faire du boulot de merde. D'accord. Il est 0h. Il est presque 1h du matin. Ouais. Pour l'instant, tu me donnes que des cons. D'accord, bah je vais essayer de trouver des gens intelligents, d'accord ? Ouais. T'as pas non, non, non, non, mais là. Gérard ? Oui, mais j'arrête pas de rappeler. Gérard, depuis que t'as dit qu'on pouvait te rencontrer gratos, ils veulent tous te rencontrer et il y en a un maximum qui vont venir devant la radio. Non. T'es énervé. Ouais, je suis énervé. Pourquoi ? Parce que normalement, j'ai eu Manu. Avec Manu, il m'a dit qu'il me faisait du bon boulot. Attends, il fait du bon travail. Du boulot de merde. T'énerves pour rien. Tu réponds jamais aux questions. Il me fait du boulot de merde. Ah mais t'arrêtes pas, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je t'écoute, ça fait une demi-heure que je t'entends que gueuler, j'en ai rien plus. Moi je zappe, j'écoute pas, ça ce soir il n'y a pas d'audience. Et alors, non, c'est pas de sa faute, c'est de la tienne, tu t'énerves, t'arrives pas à gérer. Gérard, s'il te plaît. Tu gères pas ton débat. Ouais, vas-y. Merci. Je te repasse encore la liste. Une dernière fois. Non mais. Ah oui. Vas-y, trouve-moi des auditeurs. Et pas des. Pas des cas. Non. Prends pas les mêmes et demande pas qu'ils changent leur nom, ok? Bon, Poussin, bonjour. Salut. Voilà. Salut. Merci. Salut. On va mettre un disque après parce que là... De toute manière, c'est maintenant. Peut-être accueillir les auditeurs et que tu vas poser la question pour qu'ils réfléchissent. Bah si. Ouais. Cachez-vous avec votre argent de poche. Le plus souvent avec votre argent. Et on s'écoute. On s'écoute, j'ai pas de thune pour me faire cirer l'arrêt avec des petits Suisses. Bah ouais. Yo. Hey, c'est pas mal parce que là j'ai aucune fiche pour annoncer les disques. Donc vous pouvez nous appeler au 0800 308 5000 et 0870 5000. Et voilà donc toujours les débats de Gérard, il est 1h03 du matin. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000, même si ça répond pas, ce n'est pas grave. Donc ou sinon au 0800 70 5000. Et c'est FM Radio quand même. La radio où tu bosses, c'est FM Radio. Toujours Rigaud qui vous attend sur l'IRCWW.fr. Ouais. Et donc, vous êtes bien sur Fun Radio. Ouais, on est 3482 moins 4, donc on y va. Hein, c'est pas mal, bien. C'est pas mal. Gérard, on fait ça bien. Donc, on n'écoute même pas. J'ai entendu, Rigaud. 3000. Le débat, il va bien se passer. Ouais, mais j'espère. Si. J'espère. Je l'espère, parce que si ça se passe mal, la semaine prochaine, il n'y aura rien. De toute manière, comme ça va être bientôt les vacances de Noël, donc... C'est pas le débat, ça, Gérard. On va se mettre un peu en vacances. On va accueillir Poussin, 20 ans de Beson. Donc on peut écouter Fun Radio sur 100.9. Poussin, bonjour. Salut, Gégé. Oh. Bon, allez, vous arrêtez derrière, parce que là, vous commencez à me casser les couilles. Ok. La suite, on a toujours Tabouret, Gérard. Tabouret, 19 ans de Dax. C'est bien parce que tu pourras me mettre les fréquences. Ah, si ça te dérange pas, Pildar. Non, mais c'est pas grave, on va la trouver, vas-y. Celui d'après, c'est qui? Sandwich, 23 ans de Tours. Oui, salut, Gérard. Tu me fais bander. Ouais, salut. Non, mais tu peux répondre comme il faut. Bah oui, bonjour, Gérard, bonsoir, Gérard. Parapluie. Oui, enchanté de pouvoir enfin te parler, Gérard. De 21 ans, Royan. Tout à fait. Et Camembert. Bonsoir, je suis Camembert, j'appelle de Jubilee, j'ai 19 ans. Ouais, 19 ans. C'est bizarre parce que j'ai 20 ans, moi. Je me suis trompé, je suis désolé. C'est rien. Arrête de t'acharner sur lui, on a l'impression que c'est une bête fauve, c'est bon, fous-lui la paix. Fous-lui la paix, j'ai un fil d'art. Ouais, mais attends. Tu me donnes bien les fréquences. Et alors? Hein, toi, t'écoches bien les noms, toi, tu fais bien des fautes de français. Je te dis pas, t'es gentil, quand tu vas faire de la radio, tu fais pas de fautes de français. Alors, Camembert, 20 ans de Zubizi, donc on peut écouter Fun Radio sur 101.9. FM. Hein? T'es gentil, quand tu dis 101.9, c'est FM. Hein. Si c'est pour dire n'importe quoi, Gérard, tu les dis pas. Ouais. 101.9 FM. Voilà, il faut être précis. Si ça te plaît pas, c'est le même prix, Camembert. Ça y est, ça recommence. D'accord. Et je la regarde tous les vendredis soir. Comment ? Je regarde ton émission tous les jeudis soir. D'accord. Donc, t'as tes PS Bah ouais, je regarde celle-ci. Ouais, ben... stop ! Stop ! Il y a une chose que j'ai oubliée. Pour tous les auditeurs... Vous allez plus. Pour... Manu, tu me l'es en attente ? Ça y est. Donc, pour tous les auditeurs de Fun qui écoutent à l'heure actuelle Max, le Star System... Dans 10 minutes, vous avez Techno Max sur M6. Donc, alors, et pour le moment, c'est le débat. Hein. Ouais, c'est quand même ton débat, quoi. Et on reprend le débat. Donc, qu'achetez-vous le plus souvent avec votre argent? On va demander à Poussin. Oui? Oui, ouais, Poussin. Ben, oui, Poussin, c'est quand tu veux, tu réponds. Bah, qu'est-ce que j'achète le plus souvent? Des fringues, maquillage. Ouais. Et puis, bah, c'est tout. Et à boire, qu'on sort en boîte. Mm-hmm. Et puis, des clopes. D'accord. Elle achète pas mal de trucs, elle, quand même. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais de manière, je répondrai moi. Tabouret. Ouais, bah, moi, j'achète à bouffer parce que il faut que je me nourrisse et mon chat aussi. Il faut que je paye mon loyer. Donc, tu vois, j'ai pas trop de fric pour m'acheter des fringues, ni du maquillage, ni. Non, mais attends, à 19 ans. Tabouret. Oui. Pour un cent, t'es étudiante, toi? Non, pas du tout, je travaille. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on a 19 ans qu'on est étudiant. Hein. Non, mais tout à l'heure. Je me démerde, mes parents m'ont foutu dehors, donc je me démerde, c'est tout. Ouais, non, mais attends, tabouret. Tabouret, ça c'est un truc que je veux pas parler. Donc dans ces cas-là, t'avais qu'à, quand je t'ai demandé, avez-vous de l'argent de poche par vos parents? Ouais. Donc t'aurais pu me répondre correctement à la question. Bah, je t'ai répondu correctement. Je t'ai dit que je travaillais, que mes parents m'en donnaient pas. Mmh. Et... Non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Excuse-moi. Bon. Donc tabouret, toi alors? Oui, bah je t'ai dit. Mmh. Il faut que je me nourrisse, c'est tout. Ça part de là. Mais vas-y, passe à autre chose, là. C'est lourd. Bah oui, mais ça, c'est... Gaffe, elle va tomber du tabouret, si tu continues là. Non. L'équilibre, la mortelle. Non, mais attends. Pour l'instant, son truc, il est foireux. Elle va réfléchir et on la reprendra après. Non. Mais non, c'est pas foireux. Non, il est pas foireux. Bizarre. Attends, fil d'art. Mais c'est, vas-y, te la mente pas, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète pas, j'ai connu la situation. Oui, non, mais c'est bien, je te la mente pas, passe à autre chose. Ok. Sandwich. Bah écoute, moi déjà Gérard, j'ai mon loyer à payer, et puis en deuxième, ben je fais des petits cadeaux à mon copain, du moins mon nouveau petit copain, donc parce que je suis très attentionnée, voilà. D'accord. tu me fais bander. Ouais, bah j'achète des disques, des casques vidéo, ben tout quoi, des vêtements, tout ça. Ouais, parapluie. Ouais, ben moi écoute, je dépense ma thune quand même pour sortir un petit peu, aller dans les boîtes, boire des coups, tout ça. Et bah quand même, il faut reconnaître que, je sais pas si tu vas encore de temps en temps en boîte, mais ça coûte quand même un maximum de fric. Ouais, mais attends. Quand t'es jeune, tout ton argent de poche, quand t'as pas de fric, comment que tu peux faire pour aller en boîte? Mais si, j'ai de l'argent de poche, même si j'en ai pas beaucoup, moi aussi j'ai le droit de me déchirer un peu, quoi, donc voilà. Mais je viens de te poser la question, si tu n'as pas de fric, quand tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour aller en boîte? Bah tu, par exemple, tu connais des mecs qui bossent dans... Oh, derrière, vous la fermez! Tu connais par exemple des mecs qui bossent dans une radio, et puis ils te font rentrer gratos à la boîte et ils te payent des coups. Bon, parapluie. Bah non, mais c'est un exemple, tu me demandes, moi je sais pas, cherche-toi, tu connais des gens de la radio, donc peut-être que tu peux rentrer gratuit et boire à l'œil, j'en sais rien, moi. Non, attends... Bah, je sais pas si t'as quand même remarqué, le prix des consos et le prix de l'argent en boîte, c'est quand même cher, tu peux pas dire le contraire. Non, vas-y, le prix de l'argent, c'est inabordable. C'est dire, non, mais attends. Tu veux tirer 100 balles, ça t'en coûte 500. Je veux dire, c'est quoi ces histoires? Attends, tu payes combien pour aller en boîte? En général, aux alentours de 100 balles. Ça dépend de la boîte, mais aux alentours de 100 balles, quoi. Bah ouais, Si tes parents te filent 50 balles et que la conso c'est 50 balles, tu peux même pas boire dans la boîte, tu dois être obligé de boire dehors. Voilà, exactement. Camembert. Je fais une collection et donc ça me coûte très cher d'acheter des choses pour ma collection. En général, j'achète parce que je collectionne les ampoules. Alors j'achète beaucoup d'ampoules pour ma collection. Non mais attends, Camembert, t'as bien compris la question? Oui, je te dis, j'achète des ampoules pour ma collection. GG, pour un collectionneur d'ampoules, c'est pas une lumière. Hein. Non mais pour l'instant. Je crois que t'es en dehors de la plaque. Non, mais attends, je te dis que j'achète des ampoules. Je pense. Non, mais attends, t'achètes des ampoules pour quoi faire? Bah, j'en fais collection. T'es grillé, toi, ou quoi? Non, attends, je suis grillé pour l'instant, c'est non, toi qui es grillé. L'auditeur est grillé. Il est grillé complet. C'est toi. C'est toi qui es grillé parce que tu réponds pas à la question correctement. Bah, tu veux que je te dise quoi? Que j'achète des disques, que je veux au ciné? Attends, c'est qui, là? C'est Camembert. Attends, Camembert. Tu vas fermer ta boîte à Camembert. Tu vas pas te foutre de ma gueule, tu vas répondre correctement à la question. Ta gueule, putain. Il n'y a pas de putain, d'accord? D'accord. On dit moment de travail, ok, Tony? Ah, c'est pas Tony. Non, c'est pas Tony. Non, c'est pas moi, Tony, je te promets. Ouais, bah attends, je vois. Attends, c'est la voix de Tony. Tony, il a une voix de canard. Ouais, ouais, bah, de toute manière, n'ayez crainte, j'ai l'impression que ce soir vous avez envie de me faire chier. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu fais avec. Enfin, c'était quoi la question déjà? Parce que j'ai un peu oublié. Non, mais attends, toi, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Non, mais tu peux moi, ce que je fais, c'est que je m'achète à bouffer. Ouais. Et bon, je paye. Je me paye des vêtements et. Ouais, tu bon, fais des plaisirs, quand même. Ouais, tu fais des petits cadeaux, non, des cadeaux à Sandy, tout ça. Sur IRC, on me demande combien ça te coûte l'Adidas tous les mois. L'Adidas tous les mois, pour l'instant, j'en trouve pas dans les magasins. C'est ça qui m'emmerde. Non, mais tu peux le faire importer en France, non? Parce que si t'en trouves pas en France, et ben. Attends, toi, je vais te faire importer une voiture, toi. D'accord, c'est cool. Okay. Merci. C'est cool. Ah, sinon, en parlant de petits cadeaux, tu fais bien des petits cadeaux à Sandy ou des trucs comme ça, non? Ah ouais, mais ça, Sandy, c'est différent. Bah non, c'est là non, où mais... tu dépenses ton argent, donc ouais, c'est quand mais, même, ouais, c'est ouais, quand mais même attends, dans le débat. Non mais attends, Sandy, c'est différent. Sandy, c'est ma femme. Donc, à une femme, t'as le droit d'y faire ce que tu veux. Toi, par exemple. Ah mais j'ai pas dit qu'on fait. Est-ce que tu fais des cadeaux à ta femme? Non, jamais. Non? Non. Mais t'es un peu vache. Bah ouais. Même pas. Ou des chaussures compensées. Ouais. Je sais pas. Fulder, fais gaffe parce que tout à l'heure tu vas te prendre un café dans la tranche. Non, c'est dirait bien les presses à ma copine. Ouais. T'as même pas essayé d'y acheter un petit bouquet de fleurs à ta copine. Rien, je suis un rat. Je suis putain, un rat. T'as radin. Eh ouais, j'ai plein de thunes et je garde tout pour ma gueule. Je suis un rat. T'es un radin. Ouais. Rigo. Oui, il y a Desesperado qui te demande combien t'as acheté Sandy. 0 francs. Ah bah ouais, on le savait. Ah si 3 francs. Prix de gros. Ah bah non, 3 francs. Oh, dans le sentier, non? Manu. Ah, j'ai rien dit. Alors là, j'ai rien fait. Toi, t'éteins ton micro, tu bosses. Et quoi, 3 mais francs, c'est quoi? Pourquoi 3 francs? Bah ouais, 3 francs, c'est le prix d'une lettre. Ah. Il est malade. Il y a Yannick qui te demande 3 francs, ça fait combien en euros? Alors 3 francs en euros, oh là, je peux pas lui répondre. Bah 50 centimes, c'est la moitié. Ouais. Non, c'est 7 francs 50 l'euro. Non, c'est 6 francs 60 l'euro. Donc ça fait 3 euros. Voilà. Enfin, bon, j'ai un sondage s'offrait sinon concernant l'argent. À la question avez-vous de l'argent, 15% des personnes répondent oui, 38,654% répondent des fois, 127% répondent un et 2% répondent j'aime pas Gérard. Bah, c'est bien si c'est même pas qui reste chez eux. Ils y sont, je crois. Hein. Donc pensez-vous que sans argent l'argent, la vie serait plus dure. On va demander à Poussin. De quoi? Pensez-vous... J'ai pas entendu la question, j'étais avec Fildar. Ah, j'étais avec Fildar. Ouais. Je te demandais de se réveiller un peu parce que... Ouais, ouais. Gérard, si tu peux parler bien devant ton micro, par contre, ce serait super sympa. Pensez-vous que l'argent serait plus dur? Pensez-vous que l'argent, sans argent, la vie serait plus dure? Bah ouais, c'est clair. Donc tu peux préciser? Bah je peux préciser en effet, bah l'argent en fait c'est matériel quoi. Comment ça? Eh bah ça sert à vivre, sans ça tu peux pas avoir une maison, à manger, voilà quoi, oui. L'argent c'est pas le bonheur mais il contribue. Ouais mais sans argent donc tu fais quoi alors? Tu fais rien? Bah sans argent t'es à la rue, c'est clair, t'es sous les ponts. D'accord. Ok, je vois à peu près ce que tu veux me dire. Tabouret. Ouais, bah moi je pense que sans argent la vie serait géniale. Il n'y avait pas d'argent en fait du tout. Tu n'aurais pas besoin de payer pour avoir les choses, tu aurais les choses naturellement. Non mais attends, oui. Attends, tabouret. Oui. T'as vraiment compris le sens de la question? Oui, j'ai compris. Je veux dire, si l'argent n'existait pas, t'aurais pas de problème du tout pour acheter les choses, puisque t'aurais rien à acheter. T'aurais même pas à faire le geste, tout sera à toi. T'en fous? Non, mais attends, je crois que là, tabouret, ça m'étonnerait que tu comprennes ma question. Sandwich? Ouais, Gérard, je trouve que déjà la vie est assez dure comme ça. Déjà rien qu'avec du fric, alors si on n'en avait pas, je crois que c'est la catastrophe, là. Ah, enfin, une qui répond bien à la question. Elle est importable, elle est importable, c'est pour ça que t'as abordé. Hein. On n'y peut rien, je suis désolé. Sandwich, c'est avec un portable? Oui. Oh là là là là. Putain, j'avais bien précisé lors des débats, pas de portable. Bah oui, je suis déjà passé plusieurs fois, j'avais pas de portable avant, mais là, je suis désolé. Ah ouais, mais. C'est pas forcément aujourd'hui. Hein. Ah ouais, mais dans ce cas-là, t'essayes de voir. Tu demandes à Fuldar qui te rappelle sur une cabine téléphonique parce que là Gérard, non mais attends là dans ton portable là, mal, hein. Non mais attends Sandwich, oui. Là pour l'instant dans ton portable on entend ma voix, oui c'est agréable quand même, hein, alors là moi ça me plaît pas, d'accord, t'aimes pas alors, ta voix, t'essayes de trouver une cabine téléphonique et tu dis à Fuldar où qu'on peut t'appeler. Gérard, c'est impossible Gérard là. Ouais ben si. Y a rien qui est impossible. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui te demande comment tu fais sans argent pour payer ton portable. Alors, sans argent, ben, de manière... Une fois que la carte était à monnaie, ben, je la renouvelle pas. Alors, tu me fais bander? C'est clair, quand on n'a pas d'argent, on peut pas s'en sortir, mais... Si on a la volonté de réussir et de travailler, c'est sûr qu'on peut en gagner facilement. Sandy, t'es grillé. Non, c'est pas Sandy, tu vois. C'est pas Sandy, là, qui est au téléphone. Donc t'as tout faux, celui qui dit que c'est Sandy. Ouais. Parce que pour l'instant, Sandy, elle est en train de... Elle fait quoi, Sandy? Pour l'instant, Sandy, elle t'emmerde. Mais ils ont rien dit, c'est pas grave. Allez. Non, hein. Alors, parapluie. Ouais, bah écoute, bon, moi je suis tout à fait d'accord, effectivement, sans argent, la vie est plus dure, ça je crois que c'est clair, c'est acquis. Par contre, ce qu'il faudrait savoir si c'est inné d'ailleurs, c'est est-ce que avec de l'argent, la vie est-elle plus molle? Moi je pense que c'est plutôt à ça qu'il faudrait s'intéresser, et je voudrais savoir ce que t'en penses. Non mais, je te demande si, pour vous, pensez-vous que sans argent, la vie est plus dure? Tout à fait, mais est-ce qu'elle est plus molle si t'en as, quoi, avec? Mais attends, de toute manière, la vie sera plus dure, même que t'ailles de l'argent ou pas. Je reviens à une question. Est-ce que pour je sais même plus la question que j'avais répondu. De manière voilà, pour vous l'argent fait-il le bonheur? De manière je reprends les questions. Donc c'est à peu près à la question numéro 1 que tu veux répondre, toi. Bah non, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est tu parles de la vie est dure. Est-ce que toi, t'es dur pour de l'argent, quoi? Non, attends. Tu deviens dur si on te donne de l'argent ou pas? Non. Non? Tu restes mou? Non, mais moi, de toute manière, avec de l'argent, de toute manière, tu iras partout. Sans argent, ouais. T'auras rien. Et de toute manière, je reviens à la première question. Pour vous, l'argent fait-il le bonheur? De toute manière, je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question. La question est simple. De toute manière, quand t'as de l'argent, t'as des amis. Et quand t'as pas d'argent, tu n'as personne. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Parce que quand t'as de l'argent, tu as tout le monde qui vient te voir, qui vont venir dire, oh, bah oui, tiens, je réponds tout de suite après, hein. Rigaud, oui. Bah non, continue de répondre. Non, non, vas-y, parler. Vas-y. Non, non, non, vas-y. C'était juste Mulder, le vrai, sur l'IRC qui te demande si tu penses que sans argent, t'aurais pu téléphoner tous les soirs à Fun de ta cabine. Ah bah ça, de toute manière, vu que c'est un numéro vert, tu peux téléphoner comme tu veux. Ouais. Y a pas de problème. Même avec une carte ou qu'il te reste une unité, tu peux appeler le 0870-5000. Si tu vois que ça sonne occupé, tu appuies sur B, c'est un système. Et Gérard, est-ce que tu penses que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre et qu'on peut rien y faire? Ouais. La vie, c'est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut, mon gars. Ouais. Voilà, qu'on le veuille ou non, quoi. Ouais. Bah, de toute manière, maintenant, faut du cash. Non, mais. Il faut. Non, mais il y a des trucs qui sont assez durs à l'heure actuelle, c'est que maintenant, sans argent, tu peux rien faire. Ouais. Donc, toi, tu penses qu'il faut arrêter de compter à mon barrette et qu'on te. Monte la tête, ouais. Voilà. Bah, si t'as pas de caillasse, t'es un chien, hein. Ouais. Non, mais même. Si t'as pas de thune, tu vois rien, c'est clair. Mais même, c'est pas parce que t'as pas de thune que tu vois rien. C'est quand même beau la vie, quoi. Ouais, mais viens voir le docteur, n'aie pas peur. Ouais, c'est vrai. Aussi. Le docteur Doc, il est plus là. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant, quoi. Arrête tes conneries, Fielder, s'il te plaît. Ah, il fait chaud, hein. Ouais, grave. Ouais, bah, pour l'instant, Fielder, lui, il ferait mieux de se taire. Ouais, mais. Camembert, pour toi. Comment ? C'est un passement de jambes sur le bit de flamme. Non, d'accord. Ça. Alors, Camembert, c'est terminé pour toi. Non, mais attends. Non, pour l'instant, tu viens de répondre à côté de la plateforme. Non, mais attends, j'ai compris la question. Effectivement, je pense que si on n'avait pas d'argent, ben moi, sans argent, ben je pourrais pas t'appeler, puisque je pourrais même pas payer avoir un téléphone, puisqu'il faut déjà l'acheter avant de pouvoir faire le 0800. Non. Le téléphone, tu dois l'acheter. Non, t'as pas besoin d'acheter un téléphone. Le truc, une chose qu'il faut bien se dire dans sa tête, tu prends une carte, faut prendre une carte téléphonique, et avec une carte téléphonique, tu peux l'avoir le numéro. Parce que. Pour avoir une carte téléphonique, il faut l'acheter, même s'il reste plus qu'une unité, il faut déjà l'acheter au départ. Non. Attends, le 0803 08 5000, il est gratuit. Donc moi, je peux te confirmer. Moi, je l'ai déjà fait plus d'une fois, avec une unité. Oui, mais le standard. Non, mais attends. Camembert, pour l'instant, tu me laisses répondre. Je réponds à ta question. On est bien d'accord. Avec la carte, avec une unité, tu peux appeler toute la nuit jusqu'à temps qu'on te réponde. Gérard, je suis d'accord, mais pour appeler, il faut déjà avoir une unité. Et pour avoir une unité, il faut déjà avoir acheté une carte. Et pour avoir acheté une carte, il faut avoir de l'argent. Bon, et dans ces cas-là, t'essayes de voir si t'as des bons amis. De manière, les amis, il faut les compter sur les 5 doigts d'une main. On est d'accord, Camembert ? Nous sommes d'accord, mon petit GG. Hein ? Donc, moi, pour l'instant, j'ai que 3 amis. Hein ? Ouais. Donc, sur 3 amis, je peux m'en sortir. Mais oui, mais moi, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas d'amis, donc je peux pas me faire passer de carte. Mais non, mais attends, t'as des voisins ? Ouais, mais non, je suis SDF. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule là ou quoi ? Non, je t'appelle d'une cabine. Bah, la carte, je l'ai trouvée dans la cabine. Bon, allez. Ah, il a du bol quand même. Il a quand même un peu de bol, ce mec. Hein. Gérard, il y a Bastard qui me demande qui sont tes amis. Qui sont tes amis ? Mes amis sont. Je donnerai pas les noms à l'antenne. Non, mais tu donnes pas les noms, mais je sais pas, ça peut être une voisine, ça peut être un. Non, je donne pas les noms à l'antenne. Je donne pas les noms à l'antenne. Mais c'est pas des noms, ça, de dire que c'est ta voisine ou un copain d'école, c'est pas les noms, c'est ce que c'est. Non, mais j'ai 3 amis, et ces 3 amis-là, j'y tiens. Athos, Porthos et Aramis, non? Voilà. tu peux me. Quoi, donner la petite fiche, là? Ah, pour le disque, tiens, là, Gérard. Donc pose la question. Alors, c'est la combien ? La 6e. Oh, encore 4. Oh, je taquine. Vas-y, pose. Alors, avoir un portable avec ou sans argent, peut-on y arriver ? Et on va s'écouter. Si quelqu'un veut gagner de la thune, avec à ma place, c'est OK. Avec des cacahuètes en plus. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Et toujours l'IRCWW.fr. Et pour les Belges, 00 33 1 47 29 5000. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc vous venez d'écouter un remix qui a été fait par un auditeur, donc de sur moi, donc qu'ils vont sous le menton, je me rappelle. Donc, je sais pas qui c'est qui a fait ce remix. Bah, on sait pas non plus, parce que ça se vend sur les marchés aux puces. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, le premier disque, c'était si quelqu'un veut gagner de la thune avec ma place, c'est OK, dans des cacahuètes en plus. Donc, pour l'instant, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours l'IRCW.fr. Voilà. Rigo vous y attend. Voilà, et ça cartonne grave du fait que le débat s'est calmé. Il y a beaucoup plus de gens. On a dépassé les 4000 déjà. On est à 4122 moins racine de 3. 4122. Racine de 3, ce qui vaut à 4 quand même. Non, non, ouais. 4122. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va faire un petit sondage, non? Un petit sondage, alors. Combien dépensez-vous d'argent par mois? Donc, 50% dépensent plus de 100 000 euros. Donc, pour l'instant, l'euro. On n'y est pas encore, on n'y est pas. Oui, mais ça a été cherché sur le site de l'euro, c'est pour ça que c'est en euros. D'accord, Rigo. 20%. Ah, attends, il y a le métro là. C'est moi, je m'en fous. 20% dépense moins de 3 francs. Ça, c'est beaucoup. Hein. Donc ça, je sais pas. 25% veulent être payés pour répondre à la question. Ouais, ils vont se faire foutre. Là, que dalle. Ouais. 5% pense que Gérard de Suresnes gagne de trop. Alors ça, hop, qu'est-ce t'en penses, toi? Poubelle. Qu'est-ce t'en penses, Gérard? Poubelle, de c'est des conneries. Tu crois que tu gagnes pas assez? Ça, c'est pas ton problème. Non, je te pas, non, mais c'est une question. C'est pas ton problème, c'est mon problème. Est-ce que t'aimerais être augmenté, alors? Ça, tu peux le dire. Ça vous regarde. La direction pas. Écoute. Ça regarde personne. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je passe par mon chef. Okay. Bah moi, je te dis, moi, pour ce que tu fais, je donnerais beaucoup plus. Hein. Je te donnerais beaucoup plus d'argent. Ouais, bah toi, pour l'instant, tu fais déjà ton boulot. Je suis prêt à donner la moitié de ma paye, si tu continues. Pour l'instant, donne. Attends. Allez, chiche, c'était pour blaguer. Vas-y, continue. Non. Là, mes genoux. Tu arrêtes de faire foutre. Pensez-vous que l'argent est important? Donc, 60% ne savent pas à quoi ça sert. Donc, c'est ça, à quoi l'argent? En fin de compte, ça sert à manger. Ouais. Donc, 20% préfèrent l'art. Alors là, je vois pas le rapport avec l'argent. Bah si, ils préfèrent l'art que les gens. L'argent. Bah, dans ces cas-là, et 30% n'ont jamais répondu. Ouais. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc, c'était la question. C'était la question. C'était question 2, ouais. 1. Alors donc, 50% ne savent pas ce que c'est le bonheur. Bah c'est dommage parce que le bonheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde dans la vie. Et c'est simple. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils ont pas encore trouvé leurs chaussures à leurs pieds. N'est-ce pas, chef? Allez, hop. Tu l'as cassé. On va te mettre un peu de sucre. Hein. On va te mettre un peu de sucre sous les pieds. Ouais, ça va être génial. Faut que tu trouves la chaussure, on va te mettre du sucre. Ouais, t'inquiète pas, tu vas la trouver. Tu vas voir. Ouais, je pense qu'avant là, d'ici le... 5 ou 10 ans, ce sera bon. Non, d'ici le 2-3 janvier, tu auras quelqu'un de sûr. Tu verras. Gérard de Neubert. Tu trouveras ton bonheur. Gérard, sur RC, il y a Yankee qui te demande si le bonheur pour toi, c'est pas de te payer un cerveau. Non. Moi, mon bonheur, je l'ai maintenant. Je suis tranquille. Ah, t'es insortable, c'est bon. Non, mais moi, j'ai mon bonheur. Sans cerveau, c'est bon. Moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai trouvé la chaussure à mon pied. Ouais. Donc, le chef, il va la trouver pour le 2-3 janvier. Coupe-toi les ongles, quand même, des pieds. C'est des corps à ce niveau-là. Non, mais faut qu'il essaye de voir. Tu mets des semaines en transpiration. 20% n'ont pas d'argent. Ça, c'est sûr que là-dessus, on peut rien faire. Et 30% ne comprennent pas la question. Alors là. Ah, ils sont cons parce que c'est quand même simple, parce que l'argent fait le bonheur c'est l'argent, c'est tout quoi. Ouais, non, mais ne comprennent pas la question, donc c'est pas grave. Bon, non, pas d'argent, ça c'est sûr que de toute manière, avec si t'as pas d'argent, de toute manière, tu peux rien faire. De toute façon, c'est la conjoncture. Hein. Voilà. Avec Patel. Donc on va conjonctivite. Donc on va récupérer Poussin. Allô? Ouais, Poussin. Ouais, Poussin, ouais. Donc tabouret. Ouais, toujours là. Sandwich. Toujours là aussi. Tu me fais bander. Toujours là aussi. Parapluie. Fidèle au poste. Et camembert. Je suis dans ma cabine, c'est ça. C'est bon. C'est quoi, là? Donc camembert, si repasse avec. Non mais c'est pas camembert, c'était une fille. Et je sais pas si t'as remarqué, mais t'as 4 nanas quand même. Hein. 4 nanas. T'as 4 nanas. Parce que ça groove. Ça groove grave là. Hein. Ça prend la foudre. Tu vois, elle écoute de la musique en plus. Ouais, peut-être qu'elle arrête aussi. Oh, tu me fais bander, t'arrêtes ta musique. Brandy, là. Voilà. Donc, avoir un portable. Elle chante en plus. Merci, je peux poser la question. Vas-y. Avoir. Gérard ? Attends, il pose la question, Camembert. Vas-y, Gérard. Vas-y. Avoir un portable avec ou sans argent, peut-on y arriver ? Ouais. On va demander à Poussin. Ouais. Bah, moi, je pense que déjà, quand on achète un portable, il faut avoir de l'argent. Mmh. Et quand on veut un portable, bah, il faut investir. Et que ça se réfléchit, quoi. Parce que déjà, ça rapporte, quoi. Ouais, mais tu peux aller plus loin dans... T'as pour une analyse C'est vrai, c'est une analyse. Bah, Non, mais tu... Fildar, tu coupes la personne. Il s'amuse à dire ça et tu coupes ton micro quand je parle. D'accord. J'ai horreur de ça. Tu devrais le savoir de le pourtant. Dictateur. Alors, pour toi, Poussin. Ouais. Bah, moi, j'ai répondu. Ah, t'as répondu? Bah oui, moi, je pense que, je sais pas, avoir un portable, je sais pas, faut investir. Je sais pas, ça s'investit, quoi. Non, mais attends. Ça réfléchit. Non, mais attends. Par exemple, si quelqu'un te vend un portable. Ouais. Tu t'achètes une carte? Une carte? T'achètes une carte sans abonnement. Bon, attends, Poussin. Mmh. Hey, celui qui s'amuse derrière à dire des conneries, arrête! Allô? Parce qu'avec ses copines, Poussin, c'est pour ça, quoi. Non, c'est pas Poussin, attends. Non, c'est pas moi. Non, moi, je suis toute seule, moi. Attends, Fildar, tu me fais du bon boulot. On avait fini la cinquième comme il faut. Bah, c'est impeccable, vas-y, Gégé. Ouais, c'est impeccable. Donc, tabouret. Bah, j'ai pas fini de répondre, moi. Bah, vas-y, Poussin. Bah, moi, je dis que quand on a un téléphone, il faut investir, voilà. C'est pour ça que tu m'interromps. Bah, t'avais déjà fini, alors, Poussin. Hein. Ouais, bah ouais, d'accord. Ok. Tabouret. Derrière, les mecs, vous fermez vos gueules. Ok. Merci. Ouais, bah, tabouret. Ouais, bah moi une fois j'ai gagné un portable sur Fun. Ouais. Et en fait quand j'ai reçu le dossier, les abonnements étaient trop chers. Donc je l'ai pas pris quoi. Attends. Et de toute façon mes amis m'ont dit qu'ils m'appelleraient pas sur un portable, ça coûte trop cher. Alors tabouret, je vais te dire une chose. Ouais. Que lorsque tu gagnes un portable sur Fun Radio, normalement la mise en service est gratuite. Oui, ok. Service, oui, mais tu payes tous les mois un abonnement. Dans ce cas-là, si tu n'as pas envie de payer d'abonnement, tu reprends, tu fais une chose. Tu en gagnes un tous les mois. Tu redonnes, tu retournes là où que le portable tu l'as eu. Ouais. Hein? Et tu demandes à avoir une MobiCard. Ouais. C'est clair, net, précis. Pas de pub. Hein? Ok? Ouais, ouais. Bah, je ferai ça, avec mon dossier. Ouais? Ok. D'accord? Ouais, mais enfin, merci quand même à Fun de m'avoir offert un portable. Y'a pas de quoi. Tu l'as gagné quand par Fun Radio? Oh là là, y'a, je sais pas, 6 mois. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Bon, Fildar. Hop. Ah, je peux même pas participer au débat, moi. Non, toi, tu t'écrases. Ah, super! Toi, tu t'écrases, tu fais ton boulot. Ouais, bah, je le fais. Hein, ok. Tu me fais bander. Merde. Ok, va te faire foutre. C'est bon pour... tu me fais bander, tu me prends quelqu'un d'autre. Ok. Parapluie. Ouais, bah, écoute, c'est clair qu'il faut avoir de l'argent pour avoir un portable potable, quoi. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est le tatou. C'est un peu moins cher. C'est tous les trucs genre tatou, tam-tam, Kobe. Ouais. Parce que tu vois, bon, alors après, le problème, c'est que tu ne veux pas que ton numéro passe à l'antenne, hein, je crois que tu connais le problème. Sinon, bah, tu prends un téléphone avec un fil et puis tu tiens une rallonge, hein, tu te démerdes. Bah, tu tires un câble, hein, y a que ça à faire. Si t'as pas de thune pour avoir un sans fil. Non, mais attends, tu vois, le tatou, c'est pareil. De quoi? Parce que le tatou. Attends, je vais te répondre par lui. Ouais. Le tatou. D'accord, moi j'ai eu des problèmes avec, mais j'ai été forcé de faire changer mon numéro. Hein, t'es. Ouais, je me souviens, ouais. Donc t'es au courant? Yes. Hein? Do you know speak English? Yes, I want to fuck you in the ass. Yes. Yeah. Yes. Yes, I want to expose you. Yeah. Do you want to have a combi? Déjà, je peux te dire une chose, faut que tu mettes une pile dedans. C'est vrai. Bon, une pile, ça coûte pas trop cher, c'est bon. Vu les piles qu'on a dedans, c'est pas évident. Bah, si tu reçois beaucoup de messages que t'es une star, c'est sûr, les piles, elles se vident rapidement, quoi. Si tu les mets en position vibrante en permanence dans la poche, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr, ça se vide. Mm-hmm. Bah ouais. Oui, non, mais de toute manière, le tatou, ouais. Le tatou avec la pile, si personne t'appelle. Donc, il va s'éteindre à une certaine heure que tu programmes. Il va se rallumer à la même heure. Gérard, sans vouloir te vexer, c'est pas ni le débat, c'est pas les tatous ni les portables, quoi. C'est non, mais... la thune. Ouais, mais donc... Donc, voilà. Donc, j'ai bien répondu à ta question, Parapluie. Ouais, impeccable. Camembert. Pardon, impeccable. Ouais, on aime mieux ça. Camembert. Oui, mais moi, en fait, je pense qu'on peut avoir un portable sans avoir l'argent, parce que j'étais dans la rue, parce que je fais SDF, et puis il y a un camion qui est passé, et puis il y a une caisse qui est tombée, et puis il y avait plein de portables dedans. Non, mais attends, là, pour l'instant, Camembert, t'es en train de me dire des conneries. Alors, si c'est pour continuer à dire des conneries... Non, tu t'écrases Gérard, sur IRC, on te demande de répéter la question, parce qu'ils n'ont pas entendu. Alors, avoir un portable... Avec ou sans argent, peut-on y arriver? Ok. Hein? Alors, septième question. D'après vous, l'euro sera-t-il plus efficace que le franc? On va demander ça, à... Ça, c'est une bonne question. On va demander à Poussin. C'est dégueulasse. J'ai pas entendu la question. Oh! Est-ce que l'euro est quoi? Est-ce que l'euro sera plus efficace que le franc? Non, moi, je pense que non. Parce que déjà, pour les personnes âgées, ça va être compliqué. Et le temps qu'on assimile tout ça, il nous faudra bien, je sais pas moi, 5 ans. Non, mais déjà, faut se dire une chose. Ouais. Avant que tous les autres répondent, moi je peux vous dire une chose, que l'euro, pour l'instant, c'est prévu pour 2000, pour 1999. Donc ça sera que les pièces, les billets seront prévus qu'en l'an 2000 ou 2002. Ben vas-y, continue. En l'an 2000 ou 2002, hein, donc maintenant, j'ai vu des pubs, il paraît qu'on peut garder même la carte bancaire. Des petits dessins animés là à la télé, c'est ça? Ouais, ouais, on peut garder, par exemple, t'as une carte bancaire, tu vois, une carte bleue, ouais. Et tu pourras payer avec ta carte bancaire, en franc, en francs ou en euros. Et comment je fais pour choisir avec ma carte bleue? Il y aura un bouton dessus? Non, ça sera là au magasin où tu iras. Gérard. Oui. Sur IRC, on me dit que l'euro, c'est quand t'as bien mangé. Non, ça, ça a rien à voir. Et on te demande si l'euro sera plus fort que le pay. Non, ça, je réponds même pas. C'est Ziwi qui demande ça. Ouais, ben Ziwi, j'y réponds même pas à sa question. Pas de politique. Donc Poussin. Ouais. Donc pour toi. Bah pour moi c'est une source d'emmerde, quoi, parce que ça sert à rien. Le seul avantage, c'est que ça va être une monnaie européenne. Et moi je pense que déjà ça me fait chier, parce que ça sert à rien, voilà, quoi. Les personnes âgées ça va franchement, les personnes âgées, ça va leur faire chier, quoi, tant qu'elles assument tout ça. Voilà, quoi. Qu'est-ce qui dit que les personnes âgées peuvent crever, là? J'ai pas dit qu'elles peuvent crever, j'ai dit que... Ah, c'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. Mais non, mais attendez. Pour bien se dire une chose, que l'euro, ça va emmerder tout le monde. C'est clair, ça sert à rien. Et ça va déjà emmerder plus les personnes âgées. Voilà, faut faire une manif contre l'euro. Mais non. Mais si. Tabouret. Ouais. Donc pour toi... Bah moi, je pense que c'est génial, l'euro. Et moi, j'attends vraiment une monnaie mondiale. Soit pas que pour l'Europe, soit vraiment pour le monde. Je sais pas, ça paraît le mondio, je sais pas, le terrio. On se transformerait plus aux frontières à changer les monnaies. Ce serait la même monnaie partout pareil. Non, mais de toute manière, l'euro, tu vas être obligé de changer. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais que par rapport en euros, par exemple. Mais tu vas être obligé de changer le franc contre l'euro. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'est tiré sa caisse. Hein. Ouais. Tu me fais bander. Non, elle est partie, tu me fais bander. C'est pour ça que je voulais t'annoncer. Donc, t'as sandwich quand même, Gérard. Hein. T'oublies pas. Hein. Puis tout à l'heure, elle est là, elle attend. Hein, elle attend. Bah, elle viendrait. Bah, sandwich. Bah, merci quand même, ouais. T'as répondu à la sixième? Bah, non, j'ai pas répondu, non. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais attends, je. Non, elle va la septième. Non, attends. avoir un portable avec ou sans argent, peut-on y arriver, donc, pour toi? Bah, non, pas pour moi, non. Non? Ok, non. Septième. Donc. Merci. Septième, ouais. Ouais, donc je voulais. Ouais, mais attends, faut préciser les gens qui restent. Hein. Bah oui, bah c'est marqué. Hein. Bah ouais, mais si tu me dis. Si je fais tout le monde et puis que tu me précises pas qu'il y a une personne qui a pas répondu, faut me le dire. Hein. Bah oui, donc alors, sandwich. Bah écoute, moi, au niveau de la manifestation que la fille, elle parlait, là, moi, je suis un peu. Comment dire? Je suis pas vraiment d'accord parce que je crois que ça va être trop tard de toute façon. La manifestation, ouais. Elle changera rien. Non, mais même, de toute manière, l'euro, là, il arrive dans moins de 15 jours. Oui. Donc, juste après les fêtes de... L'arrivez-vous? Ah, c'est le 1er janvier, l'euro? L'arrivez-vous? Ouais. 1er janvier, là? Le 2 janvier. 2 janvier 99, t'auras les pièces. On va faire comme toi, on va payer notre dinde en euros, alors. Non, tu vas faire les fêtes de fin d'année, si tu veux, avec le franc normal. Ah ouais. Et au moment de le 2 janvier, juste après les fêtes de fin d'année, tu vas avoir de l'euro. Mais là, par contre, il ne faudra pas mélanger, par exemple... Ça va être le bordel, hein. Non, mais attends, regarde. Ah, t'as déjà des euros? Non, je prends 5 francs. Moi aussi, j'en ai. Tu vas avoir des euros en plus. Et là, je sais pas parce que. Des zéros ou des euros? Oh, tais-toi, toi. Ah. Non, faut savoir. Tais-toi, toi. Punaise. Bah, ok. Non, je sais pas parce que moi, j'ai eu une pièce, là, je sais pas d'où qu'elle sort. Il faudrait que je voie si c'est un euro ou pas. Ah. Non, mais c'est un genre de pièce d'imprunte. Mais il y en a déjà des euros actuellement? Non. Ben, je pense. Gérard, il y a Turpentine qui te demande si la vie sera moins dure avec l'euro. Non, je pense qu'elle sera pareille. Hein. Ouais, c'est la même chose, c'est de la monnaie de toute façon. Non, mais même, elle sera aussi dure. Hein. Parce que, de toute manière, en fin de compte, c'est pas pour nous que ça va être le plus dur. Ça va être pour les personnes âgées, comme certaines personnes m'ont dit. Tout ouais, ça, tout à fait. Ouais. Ça va être le plus dur, ça va être pour les personnes âgées. Il faut les tuer à la naissance. Mais non, mais attends, faut les tuer à la naissance, et si on vous tue, vous, à la naissance, bande de caves. Gérard, sur l'IRC, il y a Daf qui me dit que le masque de Zorro, il est déjà sorti. Hein. Oh bah attends, lui, il est carrément en dehors de la plaque. Après, sandwich, donc, à la place de Tu me fais bander, on a Roblochon, 19 ans de Brest. Salut Roblochon. Salut. Voilà, donc il peut répondre. Ouais, Roblochon, je t'écoute. Je sais pas, tu peux répéter la question, parce que j'ai pas bien écouté, là, en fait. Eh hey, putain, mais merde! Il est au standard avec moi, GG, merde. Non, mais attends! Moi, quand je. Ah, arrête, tournez comme ça, tu fais mal à la tête, sérieux. Ah, le portable qui vient. Là. Ouais, le portable, je... En plus, il y a quelqu'un qui sonne. Bah, je vais essayer de gérer le portable, Gérard. Vas-y, parle à Roblochon. Alors, Roblochon, je t'écoute. Non, répète-moi la question. Tu peux répéter la question? Alors, parce que d'après vous, l'euro sera-t-il plus efficace que le franc? Je sais pas, peut-être. Ouais. Mmh. Par rapport à d'autres pays, ouais, ça sera mieux. Camembert, attends, 5 minutes. Sur IRC, il y a Sardine qui te demande, avec l'euro, est-ce qu'il va falloir changer les billets du Monopoly? Mais pour l'instant, les billets ne sont pas prévus. Alors, donc, les billets sont pas avant l'an de 2000, pas avant 2002. Donc, qui commence pas à nous casser les burnes. Ben, ouais. Mais il y aura que des pièces au début. Au début, oui. On aura des pièces de 5000 balles. Non, ça sera des pièces, je sais même pas... Des pièces de voiture, des pièces de moto. Non, camembert. Non, parapluie, camembert, il est parti. Alors, parapluie. Ouais, ben écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que l'euro, ça marchera mieux en Europe. Et que si t'es en dehors de l'Europe, donc par exemple en France, ben, il vaut mieux utiliser le franc. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça va poser des problèmes parce que tu vois, ça va plus te faire des controns. C'est-à-dire que bon, je prends un exemple, faut pas que tu t'énerves. Imagine, tu vas au pute te faire sucer, ça coûtait 100 francs. Maintenant, il va falloir que tu viennes avec de la monnaie. Tu peux t'imaginer la galère, les putes, elles vont se trimballer avec des cinquantiers de monnaie. Parce que 100 francs, ça fait quoi? Ça fait 15 euros et des centimes, tu vois. C'est clair. Et t'imagines, les putes, elles vont passer leur temps avec des tonnes et des tonnes de monnaie. Vous le laissez parler. Avant, quand j'allais pécho une Red Bad Kiff, c'est 100 francs. Là, pareil, ça va plus faire des controns, c'est pas possible, ça va être trop une galère. Ouais, tu m'étonnes, maintenant, on va avoir plein de pièces dans les poches et tout. Voilà. Et attends, Roblechon. Ouais. Je vais calmer tout le monde. De manière, que ça soit avec des pièces ou des billets, de manière, on sera toujours emmerdé. Mais on sera toujours aussi bien sucé. On sera toujours aussi bien sucé, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais t'imagines, les putes, elles vont se trimballer avec des sacs à dos pour se trimballer la monnaie, quoi. Et tu dis pas plus, s'il te plaît. Ah, pardon, les péris, pas plus. On dit maman travaille, ok. Gérard, attends, sur l'IRC, il y a Mulder le vrai, donc le vrai, hein, qui ouais. te demande si l'euro fera de toi un homme riche. Non. Non, parce que, pourquoi même avec de l'euro, tu pourras pas être riche, c'est pas possible. Mais dans quel sens? Non, mais ce sera impossible que. Tu peux pas être riche avec de l'euro. Hein. Ça, c'est impossible. De toute manière, ça va être un débat que. Je pense qu'on. Ah, on va le faire, ce truc-là? Ah, on le fera l'année prochaine. Ouais. Si, tu l'as déjà fait l'année dernière. Ah, je t'assure, on a déjà fait un débat sur l'euro. Je m'en souviens. Sinon, comme si j'y avais participé, je m'en souviens. Ouais. Mais t'as pas fait sur l'épée, par contre. Ah, ouais, c'est vrai. Ça fait sur l'euro, mais pas sur le P. Vachkiri. Oui, bonsoir, je suis Vachkiri, j'ai 21 ans, j'appelle de Lyon. Ouais, ben, on le sait, j'ai la fiche. Ouais, ben, alors je t'écoute. En fait, moi, j'ai de la famille en Italie. Ouais, mais t'as pas une vache qui pleure? Tu m'as vanné. Mais par contre, oui, donc j'ai de la famille en Italie, donc je voyage beaucoup. Et c'est clair, quand je passe au change, quand il faut changer l'argent, ben, je perds beaucoup. Tandis qu'avec l'euro, je perdrai moins. Le voyage sera plus abordable. Ouais. Par contre, c'est un aspect négatif. Parce qu'en Italie. Vachkiri. La salope qui est en train de se prendre son pied, arrête. Et par contre, je vais saluer un petit Lyonnais qui travaille à la radio le matin de 6h à 9h. C'est monsieur Babart. Parce qu'il nous écoute et il me dit à chaque fois... À ce temps-là, il écoute, c'est grave. Ouais. Non, mais il a interdit... Hey, c'est con parce qu'on ne laissait pas le débat. Non, oui. Bart. Ouais, bah, on se calme après, Bart. Ouais, vous le laissez, il va vous réveiller demain matin entre 6h et 9h. Pour revenir au débat, il y a Perforas sur l'IRC qui te demande le vrai aussi. Ouais, c'est cool. Et putain, il y a de la célébrité ce soir. Comment est-ce qu'on pourra jouer à pile ou face avec l'euro? C'est pas con. Ah bah là, déjà, faudrait que j'aille une pièce d'euro pour essayer de savoir d'où est le côté pile ou face. Donc, 8e question. Parce que après, on va attaquer le 2e débat. J'ai pas fini de répondre à la... Ouais, mais ça y est, pour moi, t'as fini. Attends, je voulais juste ajouter que l'euro, tu vois, qu'en Italie, 1 euro, ça vaut 6000 lires. Non, alors, ça vaut pas 6000 lires, ça vaut 6 francs 50. En Italie, je parle en Italie. Ouais, ma gueule ! 1 euro, ça vaut 6000 lires italiennes. Sans ton cul. Et moi, je t'en mets une salope ! Attrape pas la bathtub. Ta gueule ! Mais c'est un mec, ça. S'il vous plaît. Un peu de calme. Non, ça y est, c'est terminé. Non, mais attends, j'ai pas fini. Maintenant, tu me laisses parler. Si je veux. Écoute. Gérard, je peux te poser une question? Ta gueule. Ta gueule, la tienne. Non, mais calme. Tu me laisses parler, Gérard? Bah, t'accouches parce qu'il est déjà. Donc, en Italie, 1 euro, ça vaut 2500 lire. Et donc, tu passes de 2500 à 1, donc tu y perds. Quoi? Attends, je prends des notes, je fais des divisions. Donc je t'explique, en Italie, ouais, vas-y. 1 euro. Gérard, prends des notes, merde. 1 euro, ça tu fais une tournée en Italie après. Alors, 1 euro, ça fait. Non, laisse tomber. Non, attends, mettez-vous de l'argent. 1 euro. 2500 lire. Mettez-vous de l'argent aux autres. 2500 lire. Bon, ça y est. Ça fait 253 couronnes. Assis-toi, assis-toi, frappe pas Fildar. 3-2, tu marques, ok. Voilà. Oh merde! Et sinon, Gérard, il y a Yannick sur l'IRC qui te demande comment on fera pour retirer de l'argent quand ce sera en euros, vu que là, on tire 100 francs, c'est un billet, mais en euros, on va tirer des pièces. Ah, voilà. Voilà la question que j'attendais. Enfin, une bonne question sur l'IRC. Et toi qui travailles bien, pour faire ça, Rigo. C'était une question de Yannick. Le vrai Yannick, ça. Mais ça y est, Gérard, arrête de me faire des signes, je sais ce que je fais. Alors, donc, pour. Bon, bravo, ça y est, bravo, ouais, Rigo. Quel sel a bien travaillé. Bravo, Rigo. Merci, les mecs. Ouais. Ça me fait plaisir. On peut s'appeler des blancs, hein. Donc, pour l'instant, les billets, ils sont prévus que pour 2002. Ah bon? Donc, par distributeur, je sais pas si tu auras les pièces, tu auras toujours les billets normales. C'est faux. Quoi, c'est faux? Ouais. Fidèle. Pourquoi c'est faux? Bah, je sais pas, c'est toi qui poses la question. Ah non, moi j'ai pas de micro allumé, hein. Bon, enfin, bref. Mettez-vous de l'argent. J'ai. Ouais, je vous écoute. Ouais. Ouais, je vais dire que les billets. Les pièces, c'est en 2002. T'es juste pour un euro? Attends, toi, la salope, tu vas te faire baiser par quelqu'un d'autre, Gérard. Oh, ton cul. Et moi, je t'emmerde. Gérard, je te pose une question. Vas-y. En fait, je voulais te demander, c'est tu me dis, à partir de 99, on va avoir des pièces c'est en euros. C'est Poussin, je le dis, parce qu'elle a pas donné son prénom. C'est Poussin, ouais, c'est Poussin. Ouais, ben, faudrait peut-être préciser, vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, Gégé. En fait, je voulais te demander, tu vois, par exemple, dans les téléphones, dans les cabines, il y a des téléphones à pièces. Non, plus maintenant. Non, maintenant, c'est des cabines à cartes. Ouais, ben, disons, dans les péages, dans les billards, dans les baby-foot, il va falloir payer en euros, maintenant. Ah bah oui. Et ils vont faire comment? Ils vont changer les baby-foot? Ils vont changer les billards, les péages? Ils vont acheter des jetons? Non. Les pièces seront de la même taille, en fait. Non. Ce qui va se produire, et ça, je pense que je suis pas assez informé dessus. Faudrait voir avec des personnes, des gens de café que là où qu'ils ont les flippers, les billards et les baby foot ou autre. Donc, pour savoir comment que ça va se passer avec les pièces en euros. Oui, Rigo. Oui, il y a Bénichou, le vrai, sur l'IRC qui donne un petit sondage Sofresse. Est-ce que l'euro sent mauvais? 23% des gens ont répondu non. 38,894% disent oui quand il sort de la Lyonnaise et 86,70% oui quand il sort de la poche de Gérard. Ah ben, ça, merci Rigo. Bravo. Le truc, je vois pas du tout le rapport avec les questions. On est combien là? On est quatre là. On stagne autour de. Non, ça va toi, Phil? Oh. Non, on est quatre dans le studio. Ton micro est. Ça tourne autour de 4500, quoi. On stagne un peu, mais c'est déjà énorme. Hein. 4500? Ouais. Ça a monté par rapport à tout à l'heure. Ouais, mais c'est un peu mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière. Je demande combien on est. 4, 5 et 2, 0. 4528, toi. Ah, bon. Ah, 2 et 28. Ah, on est plus que 4522 maintenant. Non, Gérard, on va faire la conclusion là, parce que c'est déjà 2 heures. D'accord. Non, on peut. Ah bah non, attends. Et si on veut faire l'autre débat, on va jamais arriver à 3h. On arrête à 3h, donc on va faire la conclusion quand même. Bah attends, pour l'instant c'est toi qui commandes. Ouais, bah attends, depuis quand t'es passé chef, toi? Non, mais je suis pas passé chef. Je te demande si on peut faire la conclusion. Non, mais attends, pour l'instant, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Conclusion. Bah dis ta question, GG. Alors. Conclusion. Les femmes devraient-elles payer leur mari? Tiens, on va demander à Poussin. Oui, les femmes devraient-elles payer leur mari? Ouais. Pourquoi elles devraient payer leur mari? Bah, je te pose la question. Bah non, c'est les mecs qui payent leurs femmes, quoi, ils les entretiennent. Ah, c'est normal, parce qu'une femme, elle est censée faire la cuisine, c'est les mecs qui le disent, ça. Hmm? Alors, voilà, quoi, c'est les mecs qui entretiennent les femmes. Moi, c'est comme ça, quoi. Et tu crois qu'on va continuer à vous entretenir? Bah non. C'est un rêve, là. De toute façon, maintenant, les femmes, elles sont égales aux hommes, alors je sais pas. Ah oh, non. Attends, Poussin. Attendez. C'est un macho. Mais dis quelque chose, Gérard. Oh, Poussin. Attendez, Gérard va répondre. Attendez. On laisse, on va demander à Tabouret, je vais répondre juste derrière. Tabouret. Ouais, bah manquerait plus que ça encore qu'on paye les hommes. Sandwich. Des fois, ouais, si je pouvais payer le mien pour qu'il ferme sa gueule, je le ferais. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? C'est Tabouret. Tabouret. Sandwich. Sandwich est parti, Gérard. Son portable est mort. Ah bah d'accord. C'est quoi là, ses conclusions, Gérard? Non, non, c'est pas la conclusion, c'est... Oh là, c'est bientôt, désespère pas, ça va arriver. Hein. C'est la dixième. C'est la dernière, Rob Lochon. Moi, je pense que ouais, parce que vu qu'elles nous font chier toute la journée, ça serait à peu près normal, quoi. Attends. Hey, derrière, vous vous taisez. Allez, si. Hein, Tabouret et Poussin, tout ouais, t'es... Ouais, un peu. Oh, tu restes poli, tu restes poli, Rob Lochon. Ouais, on parle pas comme ça aux salopes. Toi, le salaud, tu fermes ta gueule. Ouais, excuse. Ok. Ouais, tu fermes ta gueule, pas de ta mère. Ok, cochonne. Oh ! Non, Rob Lochon. Ouais. Rob Lochon, tu dégages ta conclusion, je la veux pas. Non, mais c'est pas Rob Lochon qui dit ça. Ouais, tu dégages, salut. Hop, le Rob Lochon, il est... Ça sent pas bon. Hein. Voilà. Parapluie. Ouais, bah écoute, moi je suis plutôt dans le style gigolo, donc me faire entretenir par des vieilles cochonnes de 50 ans qui sont pétées de thunes, ça le fait. Non, mais attends. Attends. Parapluie. Ouais. Hey, les femmes devraient-elles payer leur mari? Et justement, moi je te dis, je prends des vieilles, je leur mets une cartouche une fois dans le mois, elles sont contentes, et en attendant, elles m'arrosent de thunes, et c'est bon. Ok. Voilà. Vascuri? Moi je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est toujours nous qui payons tout, le ciné, les sorties, machin, tout ça. Ce serait une bonne idée qu'on retourne et nous file un salaire. Alors, là moi je suis pas d'accord avec, vous. En fin de compte, les femmes, elles sont là pour nous faire à bouffer. Elles sont là pour nous laver notre linge, oh là là. Pour nous entretenir, pour faire la vaisselle et tout. Maintenant, non. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, si elles sont là pour sucer, tu vas pas te faire sucer par ton chien, c'est bien ta femme qui te suce, donc elles sont là aussi pour sucer. Attends, toi, tu fermes ta gueule, tu vas te faire sucer par une pute. Bah écoute, c'est logique, non, j'ai ce qu'il faut. Les putes, c'est des femmes. Hein. Ouais, mais de toute manière, jusqu'à maintenant, moi. Sauf à la loco. Alors moi, la loco à ton merde. Alors conclusion, ça t'apprendra. À cause de toi, je le. Merci beaucoup. Merci Vasculi. On va commencer par une conclusion. Non mais vous allez voir. Vous allez voir au deuxième débat. Conclusion de l'IRC, Gérard. Oui. Ouais, donc il y a Yankee sur l'IRC. Attends, faut que je la retrouve parce que je sais plus où elle est passée. Conclusion, pour faire un débat sur l'argent, il faut déjà en posséder. Quand on fouille dans les poubelles, il faudra mieux qu'on fasse un débat sur les déchets domestiques. Ça, c'est pas un débat que je ferai. Donc, Il y a Turpentine sur l'IRC qui dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bah, alors, dans ces cas-là, si ça leur plaît pas sur l'IRC, dans ces cas-là, qu'ils arrêtent de dépenser leur pognon. Ouais. Ok. Après, de toute manière, l'IRC, faut le payer. Ouais, avec de l'argent. Donc, faut avoir de l'argent. Ouais. Et quand est-ce que c'est la grève, Rigaud? Je crois que c'est pour bientôt, là. Ouais, pour bientôt. Bah, il vient de te dire le 13, on est le 11, donc tu vois. Donc, dans deux jours, merde. C'est bien marrant, c'est 13, tout ça. C'est un dimanche. Ouais. T'as tout compris, hein, putain, t'assures. C'est vraiment mortel, hein. Alors, conclusion, on va demander à Poussin. Bah, la conclusion, moi, je dirais que ce débat était très intéressant. Et grâce à toi, GG, j'en ai appris plus sur l'euro. Puis bah voilà, quoi, merci GG. Hein. Il n'y a pas de quoi. Tabouret. Ouais, bah moi, l'argent, j'en ai pas. Donc je lance un appel. Là, s'il y a un vieux qui est prêt à claquer, qui m'écoute et qui a plein de fric, je suis prête. Non mais attends, Tabouret. Oui. Tu te fous de ma gueule? Non. Non mais je crois que tu prends le train. Tu prends le train. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai posé une question sur de l'argent, tu m'as dit... Je suis pas lycéenne et je travaille. Oui, bah oui, mais je travaille, mais je gagne pas beaucoup d'argent, quoi. Une fois que le loyer est payé, j'ai plus rien, quoi, c'est tout. Moi, je cherche un vieux, quoi. À la rigueur, je l'aide à mourir, et puis j'ai tout son fric et je m'éclate avec. Ouais, je l'aime à mourir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Rob Lochon, il est plus là? Bah non, tu l'as viré. Non. Donc, parapluie. Ouais, bah écoute, l'argent, l'euro, je voulais juste te dire que je sais pas si tu savais, mais avant l'euro, ça s'appelait l'écu. Et je voulais savoir pourquoi la Banque de France et toi, vous vivez des fixations sur le gerbi et le caca. Et je voulais te dire que t'as bien une tronche à être payé en monnaie de singe. Voilà. Alors moi, je vais te dire une chose par appui. Non, mais attends. Ça s'est coupé. Toi, tu mets ça, ton micro, tu m'énerves avec ton micro. Maintenant, tu me remets par appui à l'antenne. Oui. Par appui. Oui, je suis là. Ben moi, je vais te dire une chose, que ce que tu viens de me dire comme conclusion, ouais. Ben moi, je t'emmerde. Ah ben, on est deux, alors. Ok. Et je te chie dans le bec. Vas-y. Ok, alors, bonne nuit. Bonne nuit. Vasquerie, pour terminer. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un débat assez intéressant. On a appris pas mal de choses. Et je voudrais terminer, si tu le permets, sur une citation de Descartes qui disait, que c'est tout à fait dans le cadre du débat, « De plus, à quoi servirait l'infinie puissance de cet infini imaginaire s'il ne pouvait jamais rien créer ?» Voilà. Bonne soirée. Ok, bonne soirée à toi. Donc, moi, ma conclusion... Il y a peut-être une autre conclusion, non ? Conclusion, Fildar, passe-moi ton stylo, s'il te plaît. Ouais. Ah, jolie conclusion, Rigo. C'est toi qui bosse le mieux. Voilà. Alors, moi, conclusion... Bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que... pour l'argent, donc sur l'euro, donc maintenant ça va être assez compliqué, ça va être pour les personnes âgées, donc ça va être le plus dur. Sinon, qu'est-ce que je pouvais vous rapporter, vous dire d'autre? Bon ben, donnez ce que vous pouvez à des associations que vous êtes sûr de connaître, mais faites attention parce que. L'argent ne fait pas le bonheur. En fin de compte, on croit que l'argent fait le bonheur, et en fin de compte, non. C'est pas avec de l'argent qu'on y a. Avec de l'argent, on peut aller partout dès qu'on en a, mais si on en a pas, ben... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si on n'a pas d'argent, ben, on crève. Et donc, comme j'ai dit, comptez vos amis. Parce que les amis, ça se compte sur les 5 doigts d'une main. 2, 3. Ouais, moi j'en ai que 3. Et comme le Ramix il dit, et 1, et 2, et 3, 0. Donc ouais. Voilà. Bravo. Alors on va se retrouver pour le deuxième débat qui va porter sur les jeux vidéo. Et donc on va s'écouter la petite fermière du bois avec des oursins dans le ouais, cul. Ouais, Zelda où il y a. Plus le Ramix de merde. Alors toi, tu viens là, tu vas prendre une glace dans ta gueule. Ah oh, mais Gérard. Alors plus le remix de merde, c'est pas ça, donc tu me donnes la pochette, Manu, s'il te plaît. Quelle pochette? Mais tu vas rien comprendre. Non. La pochette de quoi? Ça, on le met pas tout de suite, ça. Si. Non, on le met pas tout de suite. C'est le deuxième. C'est ça. Parce que plus le remix c'est de merde. Eh ben alors tu me les donnes, je vais les annoncer gentiment. Eh ben vas-y, fais le malin. Alors, vas-y, on va se marrer là. Vas-y, fais le malin. Alors le premier, c'est le quoi premier, c'est plage 10. Plage 10. Alors, plage 10. On va se marrer. Allez. Alors, c'est Sundai. Oui, d'accord. Donc, en fin de compte, je vous dirai pas le premier. Donc, c'est en fin de compte, le premier, c'est la première du bois avec des oursins dans le cul. Et le deuxième. Pour terminer, donc un remix de merde, donc c'est pas du tout. C'est ça, le noir là. C'est T-Pro Prodigy avec Fires Tartare. Donc, à tout à l'heure pour le deuxième débat. Sur Fun Radio, n'oubliez pas. On veut l'unité solidaire, des frères et sœurs unités. Tout pour le même combat, partage ce système sans pitié.